Bonsoir. Vous avez tous vu ces photos fantastiques de galaxies en énorme résolution et aux couleurs envoûtantes et chatoyantes. Les images d'autres planètes arrivent maintenant sur nos ordinateurs quasiment en temps réel. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ces images incroyables de l'univers, avant les grandes missions planétaires, avant les grands télescopes des années 90 et Hubble, elles n'existaient pas ou elles étaient très très rares. Au point que toujours maintenant, beaucoup de gens pensent qu'elles ne sont pas réelles, qu'elles sont trafiquées, et vivent des théories du complot. Mais qu'en est-il vraiment ? Ce soir, nous recevrons deux spécialistes de ces images de l'univers. Nous sommes le mercredi 21 avril 2021, c'est l'épisode 446. Bienvenue dans Podcast Science. Alors ce soir, nous avons, en plus des habituels, nous avons deux invités pour nous parler de ces images de l'univers. Donc nous avons Thomas Appéré à Saint-Avé dans le Morbihan. Bonjour Thomas. Bonjour. Nous avons Stéphane Guizard à Munich. Bonjour. Nous avons Cléora depuis Perduville. Hello à tous. Johan depuis Paris. Salut. Pascal depuis pas loin de Mulhouse. Salut tout le monde. Et moi, Alexa, depuis Los Angeles. Et Johan, je vais donc te laisser la main pour l'interview. Très bien, merci beaucoup Alexa pour cette introduction. Bonsoir Stéphane et Thomas, merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Donc je vais commencer par rapidement vous présenter avant de commencer l'interview. Donc Stéphane, vous êtes ingénieur à l'ESO, donc European Southern Observatory, l'Observatoire Austral-Européen en français, qui est une organisation intergouvernementale pour l'astronomie, pour construire et opérer les télescopes au Chili, et pour un consortium de pays européens. Et vous êtes aussi astronome amateur, et vous publiez les photos au fur et à mesure sur votre site sguizard.astrosurf.com. Et Thomas, vous êtes actuellement professeur agrégé de physique-chimie, vous avez effectué une thèse à Grenoble sur la surface de Mars. Vous êtes un astronome amateur un peu particulier parce que vous êtes une sorte de planétologue amateur et on va en parler un peu plus en détail de votre travail. Et donc vous avez aussi un compte Twitter et un Flickr qu'on peut suivre pour voir vos photos. Et donc je suis vraiment ravi de vous recevoir tous les deux sur le podcast parce que vous avez tous les deux à la fois un regard scientifique, vos métiers sont ou ont été tout à fait en rapport avec l'astrophysique et l'astronomie, mais vous avez aussi à cœur de partager votre passion pour l'astro et de montrer de belles images de l'espace, et c'est assez rare comme double casquette, souvent les gens font l'un ou l'autre, mais rarement les deux. Et donc, effectivement, d'un côté, souvent les images grand public de l'espace sont produites par des gens qui sont des services communication et qui sont ni spécialistes d'astrophysique ni des instruments. Et à l'autre bout, les utilisateurs de ces images, que sont les astronomes, les planétologues, les astrophysiciens, sont pas vraiment de visée esthétique. Le but à cet endroit-là est vraiment d'utiliser l'image la plus fidèle possible dans les papiers scientifiques. D'ailleurs, je peux en parler, c'est mon métier. Je peux aussi attester d'ailleurs qu'il n'y a pas d'ailleurs toujours les compétences en optique et en électronique pour comprendre vraiment comment les images sont obtenues, comment marchent les télescopes qui prennent ces images. Voilà. Donc après cette longue introduction, je voulais parler un peu de ces questions instrumentales, esthétiques, peut-être même éthiques aussi, pour comprendre par quel processus les images de nos meilleurs instruments scientifiques du système solaire et d'ailleurs se retrouvent sur nos réseaux sociaux. Voilà. Donc voilà, après cette longue introduction, Stéphane, est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter votre carrière à l'ESO et votre travail d'astronome amateur? Oui, bon, je travaille à l'ESO depuis 27 ans, depuis 1994. J'ai passé les 21 premières années au Chili, où l'ESO a ses observatoires et ses gros télescopes. J'ai été responsable des optiques du VLT, le Very Large Telescope. C'est un des plus gros télescopes au monde. Et maintenant, depuis 6 ans, je suis basé à Munich, en Allemagne, au bureau d'études de l'ESO. Et je travaille sur le projet du futur télescope géant européen, l'ELT, qui veut dire Extremely Large Telescope, télescope extrêmement grand. Et je suis responsable de l'aliment optique des miroirs du télescope. D'accord. L'astronomie amateur, j'en fais depuis que j'ai 12 ans, donc j'ai toujours un peu baigné dans les télescopes grâce à l'astronomie amateur et maintenant par mon métier également. Ouais, Donc ouais, j'encourage les auditeurs à aller regarder votre site internet. C'est vrai que effectivement, je pense que depuis le Chili, vous aviez un ciel assez unique pour faire ce genre de choses aussi. Et Thomas, je vais vous poser la même question aussi. Donc Thomas Appéré, je suis enseignant agrégé de physique, chimie et d'informatique également depuis 2 ans. Dans un lycée Vannetais, donc dans le Morbihan, je suis enseignant depuis, alors ça fait une dizaine d'années en fait. Avant cela, j'ai fait une école d'ingénieur à Grenoble en physique, un master 2 d'astrophysique toujours à Grenoble, et puis j'ai poursuivi par une thèse comme vous l'avez dit, et puis j'ai poursuivi un an en postdoc avant de me rediriger voilà vers l'enseignement il y a une dizaine d'années. Donc à travers ce métier de transmission des connaissances, j'aime aussi vulgariser les connaissances scientifiques. À travers donc à la fois les réseaux sociaux, Twitter, mais aussi à travers des photos qui me permettent d'accrocher les gens pour leur montrer la beauté de voilà des paysages des différentes planètes qui du système solaire, et c'est aussi une façon de rester connecté avec ces petits explorateurs robotiques du système solaire, en fait, de voir à travers leurs yeux ces paysages. Et donc ça fait je dirais depuis 2005, donc 16 ans, que je traite des photos de sondes et de rovers, à peu près. Ouais, donc juste pour préciser, en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez des images brutes, c'est ça, de sondes, mm-hmm, de rovers plutôt au sein du système solaire, et vous les retraitez ou vous les combinez de manière à obtenir des images de meilleure qualité, c'est ça? Ouais, pour moi, c'est ça, ouais. Je vais chercher les photos brutes, j'en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, mais... Les photos brutes sont disponibles, en fait, pour ce qui est des rovers martiens, en tout cas, de la NASA, en libre accès au public, quasiment en temps réel, en fait, hein, le temps qu'elles arrivent sur Terre et qu'elles soient mises sur leur site. Et voilà, je les assemble, je les retraite pour les mettre ensuite à disposition sur Internet. Très bien. Et du coup, Stéphane aussi, je voulais vous demander un peu quel est votre matériel astronome amateur, et aussi, est-ce que vous avez déjà, en fait, traité des images de télescopes de l'ESO pour les diffuser un peu comme ça? Est-ce que finalement, mélanger un petit peu les deux, donc mélanger votre travail avec votre hobby, sachant que vous avez quand même accès aux meilleurs télescopes du monde, ce qui est quand même assez rare pour... En tant qu'amateur, j'ai plusieurs télescopes de 200 à 500 mm de diamètre, mais j'utilise également beaucoup simplement des téléobjectifs classiques sur des appareils photo digitaux classiques. Et sinon, non, je n'ai jamais traité des images prises avec les télescopes de l'ESO. En fait, j'ai presque déjà pas le temps de traiter les miennes. Donc, par contre, je fournis souvent de mes images amateurs à l'ESO, par contre. D'accord, oui. Oui, en fait, quand j'ai contacté l'ESO pour savoir est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner, venir me parler de ce sujet-là, et c'est eux qui m'ont... Service communication, c'est eux qui m'ont orienté vers... voilà. Donc, je vous propose un peu de balayer un peu comment sont produites les images qu'on voit, autour de nous débarquer. Donc, on va commencer par l'optique électronique. Petit passage sur les appareils photo spécifiquement, l'évolution depuis la plaque photo jusqu'aux appareils photo d'iPhone. Et puis, la partie que j'ai envie de faire à la fin, moi, qui me plaît beaucoup, c'est tout ce qui est sur les couleurs, parce qu'on entend souvent, c'est des fausses couleurs, c'est des... Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de mettre les couleurs des images astro, et plus généralement, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une couleur? Voilà, on va faire un petit tour par les yeux aussi. Sur l'optique, du coup, sur Terre, quand on parle de la qualité d'un appareil photo, ou d'une photo d'ailleurs, l'un des critères principaux, c'est le nombre de pixels, c'est ça qu'ils vous vendent dans la caméra de votre iPhone. Est-ce que c'est aussi le cas en astrophysique? Qu'est-ce qui va limiter la qualité optique d'une image astrophysique, Stéphane? Alors effectivement, le nombre de pixels des appareils photo ou des téléphones, c'est surtout un argument commercial de vente. Ce grand nombre de pixels sur les appareils photo ou sur les téléphones, en fait, il n'est utile que si l'image qui est formée sur ces pixels est de bonne qualité. En gros... ça sert à rien d'avoir un gros nombre de pixels si l'objectif ou le télescope qui est devant cette caméra ne donne pas des images nettes. Alors qu'est-ce qui peut affecter la qualité d'une image qui se forme sur le détecteur? Pour la photographie classique, c'est principalement en fait la qualité de l'objectif, des lentilles qui forment l'appareil photo. Et là, tout le monde sait que toutes les personnes qui font un peu de photos savent que Il y a des objectifs qui coûtent pas très cher, il y en a qui coûtent très cher, et la différence principale, c'est la qualité optique, la finesse, la netteté des images que ces objectifs vont produire. Il peut aussi avoir un flou dû au mouvement de la caméra, mais ça, c'est surtout pour des temps de pose longs. En photographie classique, ça ne se produit pas, on utilise des trépieds. Alors, en astronomie, par contre, l'objectif, normalement, c'est un télescope. Ce qui forme l'image, c'est un miroir, ce sont des miroirs ou des grosses lentilles. Donc il faut que la qualité optique de ce télescope, elle soit très bonne. Cependant, même avec un télescope de très bonne qualité, à partir d'une certaine distance focale, on peut dire à partir d'un certain grossissement de l'image, c'est la stabilité de l'atmosphère qui limite la résolution, qui limite la qualité de l'image qu'on va obtenir. On appelle ça la turbulence. En fait, l'air bouge constamment et donc l'image qui vient des étoiles passe par cette atmosphère et elle est déformée. Ce qui fait que au foyer du télescope, là où se produit l'image, les images sont très souvent floues, disons. C'est pour cette raison d'ailleurs que les observatoires professionnels, les télescopes sont installés dans des endroits où l'atmosphère est réputée stable, comme au Chili, comme on a dit tout à l'heure, pour les eaux. Il y a aussi de très bons sites astronomiques à Hawaï, aux îles Canaries, par exemple. Et du coup, oui, effectivement, si c'est l'atmosphère qui limite en grande partie, est-ce qu'un plus gros télescope va produire de plus belles images ? Est-ce que c'est une règle qui est vraie ou c'est plus compliqué que ça ? Alors, le gros télescope, la taille du télescope, donc le diamètre du miroir, ça sert surtout à capter de la lumière, une grande quantité de lumière. Les astronomes veulent voir des objets qui sont très très loin, qui sont très peu lumineux, qui nous envoient très peu de photons. Donc, un télescope, c'est un entonnoir, on va dire, à lumière. Plus l'entonnoir est grand, plus on collecte de lumière, et donc plus on peut observer des objets lointains ou des objets faibles. Évidemment, on aimerait que cette qualité, que l'image soit aussi fine que possible. Alors donc, il y a des systèmes maintenant sur les télescopes pour compenser pour corriger la turbulence atmosphérique et obtenir des images faibles. Donc, dans ce cas-là, avec quand on arrive à corriger la turbulence, il vaut mieux aussi avoir un gros télescope. Gros télescope va donner des images plus fines. D'accord. Et donc, c'est pour ça que donc le VLT, c'est un télescope de 8 mètres, et on passe à l'ELT bientôt, qui sera de 39, c'est ça ? 39 mètres de diamètre, oui. Voilà. Et Thomas, du coup, la question, comme on l'a dit, est un peu différente entre un télescope sur Terre et une sonde ou un rover en dehors de l'atmosphère. Qu'est-ce qui va limiter le... Donc, et du coup, j'imagine que c'est aussi la différence entre un lander qui est au sol et une sonde qui est en orbite autour d'une planète. Qu'est-ce qui limite la qualité d'une image, du coup, dans ce cas-là ? Alors, en fait, on pourrait dire déjà pour un atterrisseur, ce qui va limiter la qualité d'une image serait un peu le même principe que ce que vient de dire Stéphane. C'est-à-dire, la qualité de l'optique, déjà, va énormément jouer. Il faut des bonnes optiques sur les caméras qui équipent les sondes. On va vraiment chercher des optiques de très grande qualité. Les atmosphères des planètes peuvent aussi influencer sur le seeing. La turbulence de l'atmosphère haute, ça va jouer de la même façon. Les lois de la physique sont les mêmes. Maintenant, ce qui va surtout changer, en fait, entre les caméras qu'on a sur Terre et celles qui sont dans les sondes spatiales, c'est leur endurance. Parce que pour avoir des images de bonne qualité, il faut que la caméra soit la plus à l'abri de l'environnement spatial. Et l'environnement spatial, c'est quoi ? Ça va être des contraintes thermiques, donc des contraintes en température, à la fois des températures très élevées lorsque la sonde va être exposée au soleil, et puis très froides lorsqu'elle est exposée à l'espace, enfin en tout cas, voilà, au puits thermique, c'est-à-dire à l'endroit où il va vraiment faire froid. Donc des contraintes thermiques qui peuvent, s'il fait trop froid, geler l'électronique, enfin en tout cas, fragiliser l'électronique. Et puis, un autre souci lié à cet environnement spatial, ce sont les radiations. À la fois lorsqu'on s'approche, par exemple, du Soleil, ou lorsqu'on s'approche de planètes telles que Jupiter, qui ont de fortes radiations au niveau des lignes de champ magnétique. Je prends l'exemple de Galileo, par exemple, donc une sonde qui est partie en 1989 à bord de la navette spatiale Atlantis à destination de Jupiter. Elle était équipée d'un capteur CCD, donc c'était la première sonde en fait équipée d'un capteur CCD. De 800 x 800 pixels, hein. C'est pas du, c'était pas des gros capteurs, hein, comparé à ce qu'on peut avoir dans nos smartphones. Ce capteur CCD était au foyer d'un télescope casse-grain, donc il y a quand même des télescopes, hein, dans l'espace. dans les sondes pour pouvoir zoomer au maximum pour les connaisseurs, pour ceux qui font un peu de photographie. C'était une focale de 1,5 mm, 1500 mm. C'est quand même pas mal. Et cette caméra, en fait, enfin ce capteur était blindé par du tantale, 1 cm d'épaisseur, pour protéger le capteur en fait des radiations. Parce que qu'est-ce qui se passe avec ces radiations, c'est que si elles impactent le capteur CCD, elles vont déclencher de fausses informations, c'est-à-dire du blanc, quoi. On va avoir du blanc sur l'image, comme s'il y avait, comme si c'était surexposé. Et un exemple, c'est que lorsqu'il y a eu une éjection de masse coronale produite par le Soleil, c'est-à-dire une éjection de matière, de plasma émis par le Soleil, protons, électrons de haute énergie. C'était le 14 juillet 2000 en fait que ça s'est produit, donc pendant la mission de Galiléo. Cette éjection de masse coronale s'est propagée à travers l'espace jusqu'à arriver au niveau de l'orbite de Jupiter, et ça a saturé malgré la protection, malgré le blindage de la CCD de Galiléo, ça a saturé son capteur et les images étaient toutes blanches à ce moment-là. Donc pour avoir une image de bonne qualité, il faut avoir une caméra bien protégée. Malgré tout, les ingénieurs qui conçoivent les sondes peuvent parfois, c'est de plus en plus le cas, aller chercher vers les caméras du commerce, parce qu'elles sont beaucoup moins chères que de développer des caméras spécifiques pour les sondes. Alors, pour donner une gamme de prix, la caméra Hi-Rise, qui est à bord de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, une sonde martienne qui tourne en orbite autour de Mars, qui est capable de photographier des détails de l'ordre de 30 cm à la surface de Mars. Donc, imaginez, vous posez votre ordinateur portable de la surface de Mars, cette caméra en orbite pourrait la voir. C'est assez fantastique, elle est capable de visualiser les rovers à la surface de Mars. Un peu une caméra espion, elle a encore photographié aucun martien, donc voilà. Ils ne sont pas là. Et cette caméra, elle a coûté pas moins de 37 millions de dollars de développement. Donc comparé à nos iPhones très chers, c'est bien entendu beaucoup plus cher. Et comme je le disais, malgré tout, les ingénieurs de la NASA, en fait, ont contacté des industries qui produisent des caméras commerciales pour les caméras qui ont équipé en fait le système d'atterrissage de la sonde Perseverance, qui s'est posé le 18 février 2021, le 18 février de cette année, à la surface de Mars. Pourquoi ? Parce que c'est des caméras en fait qui n'ont servi qu'à filmer l'atterrissage, et ensuite elles ont été détruites. Celle qui était sur la grue du ciel, là, le Skycrane est allé s'écraser plus loin. Celles qui étaient sur le bouclier, la partie bouclier arrière, idem, se sont écrasées. Donc c'était des caméras usage unique, je dirais. Et ils ont réussi à trouver des caméras commerciales, standard, hein, comment dire, off the shelf en anglais, qui avait une qualité de 1 mégapixel jusqu'à 3 mégapixels, conçue pour fonctionner sur Terre, et finalement, après test, en fait, elles étaient capables de fonctionner dans l'environnement martien, dans l'atmosphère martienne, jusqu'à l'atterrissage. D'accord. Ok, donc pas mal de différentes caméras, effectivement. Donc de très grosses différences, en fait, suivant l'usage. C'est surtout l'usage qui va définir l'endroit où on va. Voilà, c'est l'endroit où on va dans le système solaire qui va définir ce qu'on veut mettre comme système pour avoir d'une bonne qualité. Donc vous avez parlé de CCD, je voulais revenir un petit peu dans la partie suivante sur comment est-ce qu'on prend ces images en fait. Donc qu'est-ce que c'est qu'un CCD? En fait, historiquement en astronomie, c'est la plaque photo, donc argentique, que j'ai pas connu moi, c'est vrai que ça s'arrête, et donc Stéphane, je sais que c'est pas exactement votre spécialité, mais je pense que vous savez à peu près à quel moment on commence à utiliser les détecteurs en astro, les détecteurs électroniques. C'est pas ma spécialité, j'ai commencé à faire de l'astrophotographie avec, c'était pas des plaques photographiques, mais c'était avec des films photographiques, et puis j'ai appris beaucoup pendant que je faisais des stages en étant adolescent à l'observatoire du CERGA, qui s'appelle l'observatoire de la Côte d'Azur. Maintenant, au télescope de Schmidt, justement, on utilisait des grandes plaques de 30 par 30 centimètres. C'est un des plus gros télescopes de Schmidt au monde. Et donc, effectivement, les plaques photographiques ont commencé à être utilisées en astronomie à la fin du 19e siècle. Et elles sont restées le principal support de prise de vue en astronomie pendant près d'un siècle. Un des principaux défauts des plaques photographiques, à part leur difficulté de mise en œuvre, c'est le manque de sensibilité, on va dire. Et ainsi que le manque de linéarité dans la réponse, dans le signal. Donc, l'idée, en fait, du premier détecteur électronique, il me semble, c'est à la fin des années 30, c'est André Lallemand qui a comme son nom ne l'indique pas, était français, qui a eu l'idée d'utiliser des détecteurs électroniques. C'était une sorte d'amplificateur de lumière à l'époque. Ensuite, il y a eu la guerre, et dans les 50, se sont développés en fait des photomultiplicateurs, mais la plaque photographique était encore utilisée majoritairement. Les CCD sont apparus dans les années 70, et c'est à peu près au début des années 80 qu'on a commencé à en voir vraiment à se développer en astronomie, surtout pour les professionnels. Et maintenant, c'est le détecteur en astronomie, disons. Ouais, du coup, je sais pas, c'est peut-être un peu technique pour nos auditeurs, mais on n'est pas passé au CMOS encore. Les CMOS, maintenant, c'est le détecteur qu'on trouve aussi, qui est le plus fabriqué. On en trouve dans les téléphones, dans les caméras. Ce sont des détecteurs très très peu bruyants, qui sont excellents aussi. Ok. Et en fait, du coup, ouais, donc vous en avez un petit peu parlé, mais quels sont en fait les qu'est-ce qu'on recherche principalement pour un détecteur d'astronomie? J'imagine que c'est pas les mêmes critères pour un appareil photo exactement. Ah bah tout ce qui est bon pour l'astronomie, ce serait bon pour les photos, mais disons que les astronomes, eux, on essaie d'économiser les photons et on va être le plus sensible possible, parce que les photons qui nous viennent de loin coûtent très cher. Hein, il faut des gros télescopes pour les faire venir sur le détecteur. Donc, la principale qualité qu'on recherche dans un détecteur pour l'astronomie, c'est la sensibilité d'abord. Et ensuite, c'est aussi la sensibilité spectrale, c'est-à-dire être sensible à la plus grande gamme de couleurs, de longueurs d'onde possible. Ensuite, une fois que l'image se forme sur le détecteur, il faut la lire, hein, il y a toute une électronique. Donc, c'est pas seulement le capteur. Quand on dit le capteur, en fait, c'est le détecteur, ce qui transforme les photons en électrons. Et ensuite, il y a toute une chaîne électronique qui permet ensuite de transformer les électrons en signaux digitaux qu'on peut lire avec l'ordinateur. Donc, cette transformation, cette partie électronique, disons, il faut aussi qu'elle soit le moins bruitée possible. Donc, en général, dans les observatoires professionnels, on achète des CCD fabriqués par des fabricants fabrique ses CCD, mais l'électronique en général, ce sont même sont développés dans les observatoires, parce que c'est vraiment quelque chose de très très spécial pour qu'il n'y ait pas de bruit, pour que ce détecteur ne fasse pas de bruit. Par exemple, alors, quand je parle de bruit, c'est pas un bruit sonore, hein, c'est du bruit qui provoquerait le détecteur sur l'image. On refroidit ces détecteurs à des températures très basses. Donc, il y a plein de choses à faire pour améliorer la qualité du détecteur. Une autre qualité qu'on recherche aussi, c'est la linéarité, par exemple, en astronomie. Ça, c'est toujours bien de savoir que quand on a deux fois plus de signal digital sur une image, ça veut dire qu'il y a eu deux fois plus de lumière qui est arrivée sur le détecteur. Également, la dynamique, c'est aussi quelque chose d'important, parce que dans le ciel, on a des étoiles très brillantes, on a des étoiles très faibles qui peuvent être l'une à côté d'autre. On voudrait pas que saturé alors qu'on n'a pas encore accumulé assez de signal sur l'étoile faible, par exemple. Oui, ça me parle, ça, vu que c'est mon travail de rechercher dans le haut contraste, effectivement, la haute dynamique, c'est important aussi. Thomas, ouais, du coup, il y a, donc, comme Stéphane vient de le dire, effectivement, les CCD arrivent seulement dans les années 70-80. Et en fait, on a des missions lunaires et même d'ailleurs, je crois, interplanétaires depuis un moment à ce moment-là. Et comment, du coup, est-ce qu'on fait des photos sans caméra électronique depuis l'espace? Alors là, il y a des histoires intéressantes. Je m'étais renseigné là-dessus justement par curiosité pour savoir un peu, même question que celle que vous posez, comment est-ce qu'on faisait avant? En fait, la première photo qui a été prise dans l'espace, c'était en 1946. Avec un missile V2, les fameux missiles utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, donc qui ont été ensuite utilisés pour des visées plus scientifiques, tirés depuis la base de White Sands aux États-Unis. Elle emportait un appareil photo avec des pellicules de 35 mm. Elle a fait des photos, donc des photos en argentique. Et les photos, en fait, bon, elles ont été prises à peu près 100 km d'altitude, donc on peut considérer que ce sont les premières photos prises dans l'espace. Et les pellicules ont été ensuite larguées pour revenir sur Terre. Voilà, donc elles n'ont pas été transmises de façon par des ondes radio, elles étaient dans une caisse en acier qui était suffisamment solide pour survivre au crash. Par la suite, il y avait Donc après, ces fusées, ces missiles ont été envoyés des satellites, comme les satellites Corona, rien à voir avec la bière ou le virus, hein, dans les années 60. Et celles-là avaient des capsules avec des films photos. Donc de la même façon, elles faisaient des photos argentiques, elles les mettaient dans des capsules étaient larguées et revenaient sur Terre. Donc c'était la façon de transmettre physiquement voilà, les films photos. Et puis ensuite, vous avez parlé de sondes lunaires. Alors c'était le cas de la sonde, je prends l'exemple de la sonde Lunar Orbiter 1, une sonde américaine en fait, qui a transmis les premières images de la Terre depuis l'orbite lunaire. Alors pour transmettre en fait les images, c'était toute une stratégie, c'était assez complexe. Elle avait donc cette sonde deux objectifs, un de 610 mm à haute résolution et un autre grand angle de 80 mm à moyenne résolution du coup. Et elle disposait donc d'une grande pellicule de 70 mètres de long, qui avait une pellicule donc de 70 mm cette fois de large, 70 mm de large pour 70 mètres de long. C'était une pellicule Kodak avec un grain très fin. Et en fait, les deux, comment dire, la lumière qui était issue des deux objectifs arrivait au même endroit sur la pellicule. Simplement, bah, celle du téléobjectif allait arriver sur une zone plus petite que celle du grand angle. Le film était défilé, hein, c'était la bobine était débobinée au fur et à mesure que la sonde avançait pour compenser le mouvement de la sonde. Et donc la lumière venait imprimer cette pellicule. Et puis après, il fallait pouvoir développer la pellicule. Donc c'était fait évidemment dans la sonde avec une solution de développement, donc avec un pressage qui durait 4 minutes, voilà, avec une deuxième, en fait c'est une deuxième pellicule qui était imbibée de liquide, donc tout ça évidemment en orbite lunaire, hein, imaginez. La deuxième pellicule venait imprimer la première. Une fois que le film était développé, il allait être séché, rembobiné. Et puis ensuite, fallait lire ce qui était sur la pellicule. Donc là, la pellicule était débobinée et éclairée par un petit point lumineux qui traçait une ligne et qui faisait à peu près 3 mm de long. Voilà. Et derrière la pellicule, donc à l'opposé de la lumière, du point lumineux, il y avait ce qu'on appelle un tube photomultiplicateur. Donc c'est un capteur, en fait, qui convertit la lumière qui lui arrive en signal électrique. Et en faisant ce processus, on arrivait à avoir 800 points par ligne, pour chacune de ces petites lignes de 3 mm. Et le processus était répété sur toute la largeur du film, donc sur à peu près 54 mm, je crois, de mémoire, pour la largeur utile du film. Et une fois que c'était fait sur, voilà, sur la partie qui intéressait les scientifiques, le signal était retransmis à la Terre. Et là, c'était pas fini, il fallait avancer le film de 2,5 mm, de façon à ce que chaque image qu'on venait de scanner soit superposée à l'image suivante, hein, fallait qu'il y ait une zone de recouvrement par rapport à la suivante. Donc de nouveau, une nouvelle image scannée, renvoyée vers la Terre, etc. etc. Kodak ensuite se chargeait d'imprimer les images reçues, donc c'était stocké sur bande magnétique. Elle imprimait les films reçus, donc c'était ensuite mis sur des panneaux lumineux. Et là, alors je pourrais mettre une image de la page Wikipédia qui illustre ça justement. Voilà, tiens, je vais mettre dans le chat pour ceux qui voudraient aller voir. On voit un ingénieur de la NASA ou un scientifique de la NASA qui est en train de coller les bandelettes, en fait, des différentes images reçues. Voilà, donc bandelette par bandelette, on arrive à reconstruire les photographies prises depuis l'orbite lunaire. C'était assez fastidieux comparé à ce qu'on peut faire maintenant. Effectivement, ouais. En fait, j'avais déjà entendu parler de ça, et alors j'ai découvert avec surprise. Je ne sais pas si vous avez vu la série For All Mankind, qui est sortie l'année dernière. Et en fait, il y a une scène, donc c'est très très très technique pour tous ceux qui sont fans d'exploration spatiale, etc. Il y a une scène qui montre exactement le processus que vous décrivez là, à l'intérieur de l'orbite lunaire. Donc, est fait en image de synthèse, etc. Et donc, ça m'a fait assez rigoler ce genre de. De détails vraiment qui est très seulement pour les gens qui connaissent vraiment cette histoire là quoi, mais c'est, voilà. Ouais. Donc il y a beaucoup de détails dans cette série d'ailleurs qui sont assez assez réalistes et historiquement seulement pour les geeks. Du coup, ouais, j'ai préparé un gif de cette scène là si tu veux le mettre, Cléora, dans la chatroom. Voilà. Du coup, je voulais, avant de passer aux couleurs, je voulais parler un petit peu de traitement d'image. Parce qu'on entend souvent dire que les images d'astro sont trafiquées, ou sont retouchées, ou c'est que c'est pas des vraies images. Oui, déjà, on peut dire au milieu, j'avais pas prévu de partir sur ça, mais il y a aussi des images d'artistes de l'espace, des choses qui sont vraiment inventées. Mais là, aujourd'hui, on peut vraiment parler des vraies images. Donc, quels sont les traitements de base qu'on applique à une image astro, Stéphane? Est-ce que c'est les mêmes, d'ailleurs, pour une image astro scientifique ou pour une image astro amateur? Alors, il y a un traitement de base qu'on applique aussi bien pour les images amateurs que professionnelles. On appelle ça en général la calibration. Et le but de cette calibration, c'est de faire en sorte que les défauts de l'image dus à la caméra ou à l'instrument soient réduits ou éliminés. Ces défauts sont par exemple la réduction du bruit de l'image qu'on va faire, l'élimination des pixels morts, ça arrive des fois sur les détecteurs, qui est des pixels qui ne répondent pas. Et ces calibrations ont des effets à la fois esthétiques, et c'est la principale raison pour laquelle les astronomes amateurs, les astrophotographes le font. On n'a pas envie d'avoir une image d'une galaxie avec des points noirs, avec des pixels morts au milieu. Également les scientifiques. Et eux, les scientifiques, les astronomes professionnels, ils font ce traitement-là, c'est pour avoir une image qui représente les photons qui viennent de l'espace, et non pas des défauts de la caméra ou des défauts du télescope. D'accord. Ensuite, il y a d'autres traitements. Donc ça, c'était les traitements de base. Hein. Et ça, donc tout le monde le fait. C'est simplement pour avoir une image regardable, je vais dire. Ensuite, il y a d'autres traitements qui peuvent être appliqués et qui dépendent du but final de l'image. On peut par exemple corriger la distorsion due à l'objectif ou au télescope. Par exemple, si on veut faire un assemblage pour faire un panorama. Les astronomes professionnels font des calibrations astrométriques. Ça revient à associer à chaque pixel de l'image une coordonnée céleste. Dans l'espace, les étoiles sont représentées par un système de coordonnées, comme sur Terre, un point géographique est représenté par la longitude et la latitude. Hein. Donc, si vous allez sur Google Maps, je sais pas, ou sur une carte géographique, vous avez les latitudes, longitudes. Dans le ciel, c'est pareil. Il y a deux coordonnées qui ont des noms différents. Et donc, quand on fait une photo, on peut reprojeter ses coordonnées sur l'image. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une réduction astrométrique. Donc c'est surtout fait pour les astronomes, pour savoir, par exemple, autour d'étoiles dont la position est connue, savoir à quelle position se trouve un objet dont on ne connaît pas la position ou la vitesse. Il y a un autre type de calibration qui, elle, s'appelle la calibration photométrique. Ça aussi, c'est quelque chose que font les astronomes professionnels ou les amateurs qui veulent faire de la science avec leurs images, c'est-à-dire calibrer le flux, pouvoir dire le flux de chaque pixel, le flux de chaque étoile sur l'image, combien de photons cela correspond dans le ciel pour savoir la luminosité des étoiles, par exemple. Alors ça, on va parler des couleurs, je ne sais pas si maintenant ou après. Les autres traitements que l'on fait, sinon, c'est assembler si les images ont été faites avec des filtres de couleurs, et c'est généralement le cas en astronomie. Il faut assembler ces différentes images pour en faire une. Oui, on va reparler un tout petit peu après. Je voulais peut-être parler aussi du filtrage un petit peu sur les images de Mars. Je sais qu'il y a donc, est-ce que vous pouvez nous en parler, Thomas? Je sais qu'il y a un truc qui est assez spécifique. C'est, je le voyais avec les images qui nous arrive de Curiosity et de Perseverance récemment, c'est qu'il y a énormément de panoramas, voire même maintenant de plus en plus des images en réalité virtuelle, avec 360, on peut tourner dans tous les sens. Et donc ça, j'imagine que ça demande des traitements assez spécifiques, en fait, pour reconstruire ça, parce que sur Mars, oui. Ouais, alors, en fait, là-dessus, justement, on va parler de traitement d'image déjà. Je vais rebondir sur ce que disait Stéphane, c'est-à-dire que les traitements qu'on applique pour les images d'astronomie terrestre, on les applique aussi pour les images d'astronomie spatiale, enfin, en tout cas pour les sondes spatiales. Alors, il y a un volet qui est fait par les scientifiques, c'est-à-dire que quand je travaillais dans la recherche, on avait des images qui étaient, on avait des produits calibrés, enfin, moi, en tout cas, je travaillais avec des produits calibrés, je n'étais pas chargé de la calibration. Et par exemple, je travaillais avec l'instrument Omega, qui est c'est une sorte d'appareil photo qui peut prendre des photos dans toute une série de couleurs différentes, voilà, de longueurs d'onde différentes. On appelle ça un imageur hyperspectral, et il était donc programmé, en tout cas on le programmait pour qu'il s'auto-calibre régulièrement, c'est-à-dire que, enfin, en tout cas il faisait des photos dans le noir, ensuite pour avoir ce qu'on appelle le dark, et puis il pouvait faire des photos d'une source de référence pour avoir un spectre de référence, enfin, bref, il y a toute une série de calibrations qui étaient faites. Quand on est astronome amateur, ou planétologue amateur, hein, comme on peut dire, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas accès forcément à toutes ces données de calibration. Alors, il y a deux solutions. Soit on travaille avec des photos brutes, donc qui nous parviennent quasiment, je disais, en temps réel, c'est-à-dire on va sur le site des images brutes de la NASA, et là, on récupère des photos qui ne sont pas corrigées du tout des pixels morts, par exemple. On voit régulièrement, enfin, moi, je sais, sur ces photos-là, on voit des traces blanches par endroits où il y a des pixels qu'on bavait, en quelque sorte. Là, on a un travail à faire. Alors, moi, ce que je fais comme travail, comme traitement, c'est d'aller récupérer des photos prises du ciel martien, qui, je le sais, les ingénieurs les utilisent, en fait, pas forcément pour analyser le ciel martien, mais pour avoir des images de champ plat, ce qu'on appelle des flat fields. Et donc, en utilisant ces images-là, on peut, en divisant l'image qui nous intéresse par cette image du ciel, obtenir une image corrigée du vignettage, par exemple. Voilà, ça parlera à ceux qui font un peu de photographie. Pour corriger des pixels morts, des petites zones de poussière, il y a des petites, enfin, pas des, des particules de poussière, pardon, qui se déposent sur les optiques, sur les capteurs CCD des caméras. C'est déjà arrivé, hein, pour Perseverance, hein, dès le début de la mission, en fait, il y a des poussières qui sont infiltrées à l'intérieur des caméras. L'environnement martien est rempli de poussière de très très fine, hein, l'ordre du micron, et ça s'infiltre dans les caméras, et ou alors c'était même avant le décollage, il peut se passer que, enfin, on connaît déjà une carte des poussières sur la caméra avant même le décollage, et donc ça, ben, on le corrige en faisant la moyenne des pixels voisins pour éliminer, c'est un traitement assez classique pour éliminer les poussières. Donc voilà, ça c'est des traitements qu'on fait également avec les photos prises sur d'autres planètes. On peut aussi travailler avec des images corrigées par les équipes des missions, et donc là, ces images sont publiées sur des sites internet spécifiques, notamment le Planetary Data System, PDS, où on peut récupérer, en fait, des images qui ont été corrigées de la distorsion, corrigées de l'effet de champ plat, enfin, ce genre de choses, du vignettage, je veux dire. Et voilà, donc plusieurs stratégies. Ensuite, pour ce qui est des panoramas, pour ce qui est des panoramas, déjà, quand on veut créer un panorama, en fait, c'est vrai qu'il faut faire attention à cette distorsion, mais les logiciels, en fait, de panorama sont maintenant suffisamment puissants pour corriger d'eux-mêmes l'effet de l'optique. Donc, il suffit de lui indiquer la focale, en fait, de la caméra pour qu'il corrige la distorsion. Et même si on a des photos prises par des caméras fisheye, les logiciels sont capables, plus ou moins, mais on peut les aider un petit peu, des fois, plus ou moins, de reconstruire ces panoramas. Après, pour ce qui est de la réalité virtuelle, là, tout dépend du panorama qu'on a sous la main. Par exemple, le troisième jour de martien de la mission de Perseverance, donc trois jours après s'être posé sur Mars, Perseverance a réalisé un panorama complet, en fait, de toute la scène qui l'entoure, y compris de son corps, hein, du corps du rover, de ses instruments, mais pas du ciel. Le ciel, il ne l'a pas pris en photo, parce que le ciel martien, c'est pas hyper intéressant, c'est assez ennuyeux. C'est ocre, plus ou moins ocre, plus ocre clair, ocre foncé, enfin voilà, c'est un peu ça. Et donc du coup, enfin, il peut y avoir des nuages, hein. J'ai d'ailleurs mis des photos dans le chat de superbes nuages. Il peut y avoir des nuages, mais pas à cette heure de la journée. Et les scientifiques choisissent de ne pas photographier le ciel. Donc là, c'est à nous, astronomes amateurs, de rajouter le ciel. Donc là, c'est clairement un traitement, je dirais, esthétique, pour pouvoir ensuite envoyer cette photographie 360 degrés x 180 degrés dans un site web spécifique qui permet de le visualiser sous forme de réalité virtuelle. Voilà. Donc il y a des traitements correctifs, des traitements esthétiques, en fait, suivant ce qu'on veut faire. Ok, d'accord. C'est du boulot. Ça vous a pris combien de temps pour celle-là ? Parce que j'avais vu, effectivement, trois jours après l'arrivée. Ouais, que vous aviez 3 jours après l'arrivée, il a fait la photo, et je sais que c'était pendant les vacances de février, et j'ai passé plusieurs heures, hein, c'est ah oui, je sais pas combien, peut-être 10 heures au moins. En fait, le assembler des images, c'est pas très long, parce que ça, c'est les logiciels qui les font. C'était les premières images prises par Perseverance, donc là, il a fallu que je retravaille un peu mes algorithmes pour pouvoir faire une chaîne de traitement, parce que on va pas faire ça image par image, il y a des centaines d'images à traiter. Donc là, c'est comme les scientifiques qui font de la recherche, on écrit des codes informatiques. Et moi, ça, j'ai hérité ça de quand j'étais en thèse, en fait, et j'essaie aussi d'inculquer ça à mes élèves via l'enseignement d'informatique que je donne au lycée. C'est de décrire des codes qui peuvent faire des traitements en chaîne. Et donc il y avait le besoin d'écrire ces codes et puis ensuite d'aller retoucher. Alors quand je dis retoucher, c'est pas des retouches pour effacer des choses qu'on chercherait à cacher, c'est pas ça. C'est des zones de recouvrement qui seraient pas forcément très bien traitées par le logiciel de Panorama. Donc là, on va choisir une image plutôt qu'une autre. Voilà, essayer aussi de jouer sur les lorsqu'on a deux images côte à côte, une est un petit peu plus lumineuse que l'autre, et que le logiciel n'a pas réussi à corriger l'exposition, on peut essayer de la corriger manuellement. Voilà. Donc c'est ce genre de choses qui est assez long. Ok. Et bah, du coup, maintenant, on va passer aux couleurs, à la partie spectrale. Et donc, ouais, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Est-ce que les images astrophysiques ont des fausses couleurs? Et qu'est-ce que c'est qu'une fausse couleur? Qu'est-ce que c'est qu'une vraie couleur? Et donc, je voulais un petit peu commencer par les bases. Donc la notion de spectre lumineux, c'est en gros l'énergie des photons qui nous arrivent. Et donc c'est, les différents photons ont différentes énergies qui vont avoir un impact directement sur la couleur. Mais alors j'ai demandé à Alexa qui fait partie du podcast et qui a justement fait un de ses postdocs sur la biologie des yeux pour les chauves-souris, donc il s'y connaît aussi beaucoup pour ceux des humains, je pense, et que de nous faire un petit résumé de ces questions-là. Alors, j'avais deux, trois trucs. C'est est-ce que les yeux sont capables de détecter toutes les longueurs d'onde, et aussi est-ce qu'une longueur d'onde c'est exactement une couleur ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? Alors, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué. Et en fait, c'est bien que vous ayez parlé des télescopes et tout avant, parce qu'en fait, un œil, ça fonctionne comme un télescope. Enfin, c'est plutôt l'inverse, on va dire. Mais l'œil, c'est un organe qui est complexe et qui, de par son anatomie et de par ce par quoi il est constitué, va permettre de former des images en lien, bien sûr, avec le cerveau qui, lui, traite les images. On a parlé des ordinateurs tout à l'heure, hein, qui reconstituent les images. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Alors d'abord, on peut voir d'un point de vue physiologique comment est-ce qu'on voit une image. Pour voir une image, elle doit évidemment passer par l'œil qui est constitué de plusieurs parties. On a des muscles, des couches de protection, énormément de choses, mais là j'ai envie, pour aller assez vite, se limiter aux parties qui permettent le passage de la lumière et la formation de l'image. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors de l'extérieur vers l'intérieur de l'œil, on a d'abord la cornée, qui est cette couche que vous avez juste devant l'œil, qui protège l'œil, puis l'iris, etc., qui va permettre de faire passer la lumière d'abord. Ensuite, juste derrière, on a l'iris, qui est la partie colorée, hein, qui change, qui peut aller donc de marron, bleu, vert, etc., enfin voilà, la couleur de l'œil, en fait, qui est percée en son centre par la pupille, qui est ce trou noir dont le diamètre varie en fonction de la contraction de l'iris, qui fonctionne un peu comme un muscle et qui permet de faire varier la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. Là aussi, ça peut vous faire penser à un appareil photo, hein, quand on règle l'ouverture. En fait, l'iris, c'est exactement ce que ça fait. C'est en ajustant le diamètre du trou, vous allez régler la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. Donc évidemment, de manière automatique. Juste derrière ce trou, on a le cristallin, qui, là encore, si on compare un appareil photo à un télescope, agit comme une lentille. Et ce que le cristallin va faire, le cristallin va permettre de focaliser l'image sur la couche qui est tout derrière l'œil, qui est la rétine, qui est la couche qui est sensible à la lumière. En fait, si on se résume, on a d'abord donc la cornée qui protège, la pupille par laquelle la lumière passe, le cristallin qui va permettre de focaliser comme une lentille l'image sur le fond de l'œil qui possède les photorécepteurs qui sont sensibles à la lumière sur la rétine. Donc la rétine, on peut penser que c'est un peu le CCD en fait, hein, c'est le capteur finalement qui possède des cellules réceptrices. Donc c'est exactement, ça fonctionne voilà exactement pareil. Alors, je parle de rétine, de photorécepteurs. De quoi est faite la rétine? Donc, elle est faite évidemment de ces cellules sensibles à la lumière, les photorécepteurs. On en a deux types. On a des photorécepteurs qui sont responsables de la vision de nuit. Ce sont les bâtonnets. Et donc, ils sont vraiment actifs plutôt la nuit. Ils sont complètement bleachés en lumière forte. C'est-à-dire, là encore, tout à l'heure, on parlait pour les télescopes, les appareils photo, etc., de sensibilité à la lumière. C'est exactement ce qu'on a, les bâtonnets. On en a un seul type. Ils sont sensibles à une seule longueur d'onde. C'est ce qui fait que quand vous voyez la nuit, vous voyez un peu en noir et blanc, finalement. On n'est pas vraiment capable de discriminer les couleurs parce qu'on a un seul type de bâtonnets qui sont actifs à une lumière faible. Maintenant, quand on a une lumière beaucoup plus forte, comme la journée, par exemple, on est capable de distinguer les couleurs. Et ça, c'est dû au fait que c'est pas les bâtonnets qui sont activé, c'est un autre type de photorécepteur qui s'appelle les cônes et qu'on a, qui existe sous trois types différents. On a les cônes bleus, qui sont short wave, de longueur d'onde plus petite, les cônes verts, d'onde moyenne, et les cônes rouges, de grande longueur d'onde. Et en fait, avec ces trois types de cônes différents, on est capable de reconstruire les couleurs. Là encore, si vous ne voyez pas vraiment pourquoi, pensez à un appareil photo et à l'écran de vos ordinateurs. Vous avez des pixels rouge, vert et bleu, et en modulant la quantité de vert, de rouge, de vert et de bleu que vous mettez, hein, si vous avez déjà un peu retouché des photos sur un ordinateur ou joué avec ces paramètres, vous voyez qu'on peut reconstituer toutes les couleurs avec ça. C'est un peu la même chose qui se passe. Avec la différence, je pense qu'on vous a mis la photo des spectres dans la chatroom de ces photorécepteurs. Chaque photorécepteur, quand on parle d'un cône vert, d'un cône rouge et d'un cône bleu, ils sont pas sensibles uniquement 100% au bleu, au vert et au rouge. Ils sont sensibles à toute une gamme de couleurs. Par exemple, si vous avez un photon jaune qui arrive, il va activer un peu le photorécepteur vert. Il va activer aussi un peu le photorécepteur rouge. Et du coup, en combinant le niveau d'activation de ces photorécepteurs qui va dépendre de la longueur d'onde, le cerveau, lui, va être capable d'interpréter ces impulsions et de reconstituer toutes les différentes couleurs. Donc si vous voulez, vous avez la rétine avec l'activation des différents cônes qui permet de reconstruire une couleur ou plusieurs couleurs précises. Ensuite, le nerf optique, comme un câble USB, va transporter l'information au cerveau, au cortex visuel, qui, lui, va être capable, comme un ordinateur, de reconstituer l'image qu'on voit. Donc, bon, évidemment, c'est une analogie. Les systèmes qu'on a sont basés sur la vision humaine, mais ça fonctionne exactement de la même façon. Après, ce qu'on peut dire aussi, et ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire sur la photo, c'est que on a parlé de quantité de pixels, etc., etc. On a un peu la même chose au niveau de la vision. Derrière l'œil, vous avez une zone qui s'appelle la fovéa, où les cônes, vous avez énormément de cônes qui sont très, très densément présents. C'est une toute petite zone de l'œil, mais c'est celle qui vous permet de voir net. Par exemple, si vous fixez un texte, bon là, par exemple, je fixe le conducteur du podcast, vous voyez très, très net au milieu, mais sur le côté, la vision, elle est un petit peu floue, en fait. Si vous regardez pas sur le côté, si vous fixez le milieu, vous voyez très net au milieu et un peu flou sur le côté. Et ça, c'est lié au fait que sur le côté, vous avez beaucoup moins de cônes sur le côté de l'œil et vous avez une vision qui est beaucoup moins précise. En revanche, lorsque vous faites de l'astronomie, lorsque la lumière est faible, vous voyez souvent mieux les étoiles si vous les fixez pas directement. Je sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, en vision périphérique, on voit les étoiles beaucoup plus nettes, et c'est assez lié au fait que la nuit, en fait, vous utilisez plutôt vos bâtonnets au lieu de vos cônes, et qui sont sensibles à une lumière plus faible, et vous pouvez pas tellement focusser, c'est loin, etc. Et donc du coup, vous voyez ces étoiles beaucoup plus nettes parce qu'elles sont situées un peu à l'extérieur du champ de vision, et vous n'utilisez pas cette zone hyper densément nette qu'on utilise pour lire un texte, pour conduire, etc. etc. L'autre chose qu'on peut dire aussi par rapport à la vision humaine, c'est la notion de saturation, j'en ai déjà un peu parlé. La journée, on n'utilise pas nos bâtonnets parce qu'ils sont complètement saturés à la lumière, et on utilise nos cônes qui, eux, le sont pas. Par contre, quand on est la nuit, bah, les cônes sont inactifs, on n'aura pas assez de sensibilité lumineuse pour les activer, mais en revanche, on aura assez les bâtonnets. Si vous passez, vous savez, d'une pièce complètement noire, d'une grotte à l'extérieur, la raison pour laquelle vous ne voyez plus rien, vous avez cette vision complètement éblouie et blanche, c'est parce que vous avez bleaché d'un coup tous vos bâtonnets, vous êtes complètement ébloui, parce que l'œil a besoin de s'adapter. C'est comme si un capteur, en fait, vous savez, quand vous avez un appareil photo, vous le mettez du noir à la lumière, c'est pareil, le capteur a besoin de s'adapter un peu à la lumière. C'est exactement la même chose que ce qui se passe dans notre œil, en fait. Les photorécepteurs ont besoin de s'adapter, en fait, au passage aux différentes luminosités. Donc on est plutôt bien fait finalement. Super, bah merci, c'était super complet. Je vois qu'on a des questions dans la chatroom, alors je peux peut-être y répondre rapidement. On a une question sur les cônes. Pourquoi est-ce qu'on parle de cône jaune alors qu'en fait il est plutôt dans le... Pourquoi est-ce qu'on parle de cône rouge alors qu'il est plutôt dans le jaune ? Les différents spectres là que en fait j'avais mis dans la chatroom sont pas forcément les plus précis. En fait, strictement, nous, en science, on parle de cônes S, M et L pour short wave, medium wave et long wave. Les long waves étant les longueurs d'onde grandes. En fait, le pic est plutôt dans le rouge. Mais maintenant, les pics se recouvrent et c'est ce qui nous permet aussi de voir finalement toutes les couleurs. Donc, En vrai, on parle plutôt de long wave, et suivant les espèces, la longueur d'onde change un peu. Donc en fait, on parle de cône rouge, parce que voilà, chez l'homme, c'est plutôt dans le rouge, mais après, ça dépend des espèces aussi. Et il y a une autre question, c'est est-ce que ça serait vrai qu'il y aurait un quatrième type de cône ? C'est ça ? Oui, alors chez l'homme, il y a certaines personnes, il me semble, il faudrait que je revérifie, qui ont... Alors en fait, c'est la chose inverse que ce qui se passe quand on a du daltonisme, par exemple, quand on a des gens qui sont daltoniens. On dit colorblind en anglais, alors en fait, ils voient les couleurs, mais enfin, pas tous, mais ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que on a un des cônes vert ou rouge qui est supprimé. Et dans ce cas-là, on voit une couleur de moins. Et ce qui fait qu'on voit pas toutes les couleurs de la même façon. Maintenant, il y a des gens qui, il me semble, sont des mutants et qui peuvent en avoir un de plus. Et auquel cas, avec une longueur d'onde un peu shiftée, il y a aussi des gens qui ont les bâtonnets qui peuvent s'activer un peu plus. En fait, les bâtonnets, ils ont aussi une longueur d'onde hein, qui est plutôt dans le bleu. Et chez certaines personnes, en fait, ça peut s'activer un peu plus. Donc, par exemple, au crépuscule où on a tout qui est un peu actif, on peut voir un peu quatre couleurs. Et après, on a des espèces d'animaux qui ont quatre couleurs. Les oiseaux, par exemple, voient dans l'UV. Ils ont un cône aux UV en plus des rouges, verts, bleus. Les chauves-souris ont que deux ou un type de cône. Et on a même certaines crevettes et certains poissons qui peuvent en avoir jusqu'à 12. Donc, en fait, ça varie vraiment après, au-delà de l'homme, avec des longueurs d'onde différentes. Super, bah merci beaucoup. Et puis... donc tu en as un tout petit peu parlé, comment marchaient les appareils photo. Thomas, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus en détail, je sais que, parce que certaines caméras du rover Curiosity et Perseverance sont ainsi, comment est-ce qu'on fait en fait pour sur les appareils photo terriens, comment est-ce qu'on voit les couleurs en particulier, comment est-ce qu'on reproduit les couleurs? Ouais, en fait, les caméras de Perseverance sont de deux types. Il y a des caméras d'ingénierie, qui sont destinés à piloter le robot, caméra ASCAM pour les hazard cameras, caméra des risques. Donc là, c'est clairement pour pouvoir situer où sont les cailloux, les rochers, et les éviter. Parce que le robot peut conduire en autonomie. Il peut conduire jusqu'à 200 mètres par jour en autonomie. On lui indique simplement sa destination sur une sorte de carte virtuelle, et puis il y va tout seul. Il y a des caméras situées en haut de son mât, en haut de sa tête, vers 2 mètres de haut à peu près. Là, c'est des caméras de navigation. Et ces caméras, en fait, sont des caméras couleurs avec des grosses dalles hein, de 5000, ça fait 5120 x 3840 pixels. Donc, on est sur du 20 mégapixels, donc c'est quand même très gros. Et ça permet de faire des photos directement en couleur. Alors, les photos sont prises à travers une matrice de Bayer. Donc, les matrices de Bayer, faudrait que je mette une photo sur la chatroom pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. En fait, ça ressemble à une sorte d'échiquier avec des couleurs rouge, vert et bleu. Donc, on retrouve exactement ce que disait Alexa. On a besoin de ces trois couleurs primaires, rouge, vert et bleu, pour pouvoir reconstituer toutes les couleurs auxquelles notre œil est sensible. La lumière va passer à travers cette dalle de filtre rouge, vert, bleu, jusqu'au capteur CCD qui se situe derrière, et ensuite, une fois qu'on a donc la lumière qui est recueillie, et des algorithmes sont capables de reproduire l'image couleur. Alors ça, c'est pour les caméras d'ingénierie. Pour la caméra Mastcam qui est située sur le mât, au niveau de la tête du robot, au même endroit que les Navcam, là c'est un peu différent. Il y a également cette matrice de Bayer. Alors, matrice de Bayer, en fait, c'est très classique, hein, c'est ce qu'on trouve aussi sur les caméras commerciales, hein, sur les appareils photo commerciaux, sur la plupart de ces appareils. Mais pour la Mastcam, il y a également une roue à filtre. Alors, les roues à filtre, c'est ce qui équipe très couramment les sondes spatiales. En fait, on a des filtres avec des longueurs d'onde bien définies, c'est-à-dire qu'elles ne laissent passer que certaines radiations colorées, que certaines couleurs. Elles ont une bande passante très fine. Elles sont utilisées plus pour faire de la science, dans le sens où elles vont pouvoir analyser si telle ou telle roche réfléchit plus ou moins telle ou telle lumière. Voilà. Et en fait, par exemple pour la caméra Mastcam, il y a en tout 7 filtres. Voilà, donc une roue qui contient 7 filtres, et les filtres peuvent passer les uns après les autres devant la caméra. pour pouvoir laisser passer uniquement certaines lumières colorées. Donc à partir de là, on peut reconstituer reconstituer la vision humaine. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la matrice de Bayer de la Mastcam, les longueurs d'onde ne sont pas tout à fait les mêmes. Je les comparais avec les longueurs d'onde des opsines, c'est pas tout à fait les mêmes que celles auxquelles nous on est sensible. Donc à mon avis, il doit y avoir des facteurs correctifs ensuite appliqués par lors de la calibration pour reconstituer ce que verrait l'œil humain sur Mars, hein, parce que au niveau du rouge notamment, on est à 630, alors que c'est 560 nanomètres. Je parle vraiment pour les experts de la vision humaine. Et il y a aussi des filtres solaires. Ça, c'est intéressant à savoir, des filtres solaires pour photographier le soleil. La Mastcam Z peut se photographier en fait le soleil pour observer notamment s'il y a une tempête de poussière en approche. Enfin, si vous vous rappelez le film Seul sur Mars, l'astronaute Mark Watney, je crois, qui s'est retrouvé coincé sur Mars en raison d'une tempête de poussière. Et il y a des tempêtes régulièrement sur Mars. Et pour savoir si une tempête est en approche, en fait, il suffit de photographier le soleil et de mesurer la quantité de lumière qui nous parvient du soleil. Si une tempête de poussière arrive, en fait, la poussière joue le rôle de filtre et laisse passer de moins en moins de lumière. Mais il faut éviter, en photographiant le soleil, de cramer la caméra, d'abîmer les capteurs. Donc pour ça, on met un filtre qui va diminuer le flux d'une quantité qu'on connaît. Voilà, donc pour reconstituer les couleurs, c'est ça. On va utiliser, de la même façon que nos cônes au fond de l'œil, des capteurs, des filtres qui laissent passer les lumières rouges, vert et bleues. Alors c'est marrant ce que tu dis, parce que du coup, moi qui fais beaucoup de microscopie, enfin c'est logique, en même temps, nous on travaille pas mal avec des fluorophores qui émettent dans l'UV et l'infrarouge. Et donc, on a exactement comme tu dis, en fait, on a un système de gating pour regarder juste les longueurs d'onde qui viennent de l'UV ou de l'infrarouge. Et ensuite, on a des capteurs spécifiques qui sont capables de capter l'UV et l'infrarouge. Et ensuite, on reconstitue là pour être avec des couleurs visibles pour nous, pour qu'on soit capable de le voir, en fait. Et tout ça, c'est des traitements informatiques super complexes qu'on fait passer sur nos images. Et du coup, Stéphane aussi, j'ai vu que c'était aussi un peu... Alors, j'ai été un peu regardé sur votre site et j'ai vu que, par exemple, sur une des photos, il y avait marqué L égale R égale V égale B égale 5 fois 2 minutes plus 7 fois 10 minutes. Et après, HA égale 7 fois 2 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ce genre de... Bon, en fait, ce qui n'a pas été dit dans les explications récentes sur les capteurs, là, c'est qu'en fait, les capteurs électroniques ne captent qu'une seule couleur, en fait, ne rendent qu'une seule couleur. Pour voir des couleurs avec un capteur électronique, il faut additionner des filtres. Donc Thomas a parlé des filtres, la matrice de Bayer. Donc en fait, il y a plusieurs façons de mettre des filtres devant le capteur pour pouvoir séparer les couleurs. C'est soit de mettre un grand filtre sur tout le capteur. Donc dans ce cas-là, pour reproduire les images rouges, vertes et bleues, comme disait Alexa, on met un filtre bleu, ensuite on prend une image avec un filtre rouge et une image avec un filtre vert. Et ensuite on recombine les trois images rouges, vertes et bleues qu'on a obtenues. Et l'autre façon de faire, c'est de mettre des filtres non plus de grande taille devant tout le capteur, mais de les mettre au niveau de chaque pixel. Et ça, c'est la matrice de Bayer dont parlait Thomas. Donc là, sur mes photos, quand je marque L, R, V, B, alors L, ça veut dire luminance, c'est simplement la photo, le détecteur sans filtre. Donc toutes les longueurs d'onde qui arrivent du ciel vont provoquer un signal sur le capteur. Il n'y a pas de tri entre les couleurs. Si je veux avoir une image couleur, donc j'ai dit, il faut utiliser les filtres. Donc ça, c'est les lettres RVB, c'est le rouge, vert, bleu. Donc quand j'écris rouge, vert ou bleu 5 fois 2 minutes, ça veut dire que je fais 5 pauses de 2 minutes avec chaque filtre. Donc à la fin, j'obtiens 4 images qui sont sur mon écran. Ce sont des images monochromes, mais je sais qu'une a été faite sans filtre, que l'autre a été faite avec un filtre rouge, l'autre avec un filtre vert et l'autre avec un filtre bleu. Et en fait, elle montre des informations différentes puisque l'objet que je suis en train de prendre en photo a des couleurs. Donc c'est cette combinaison ensuite qui permet de recréer l'image avec les couleurs aussi proches que possible de la réalité. D'accord. Et vous marquez aussi pour H-alpha, est-ce que vous le faites souvent? Est-ce que ça a une importance autre que scientifique? Ah bah ça dépend. Non, pas autre que scientifique. Alors, bon, Le H-alpha, ça veut dire que l'hydrogène, hein, c'est l'élément qui provoque cette raie, cette couleur rouge, c'est l'hydrogène. Et l'univers est composé de 90% d'hydrogène. Donc, le fait de mettre un filtre H-alpha, c'est-à-dire, en fait, on est très, très sélectif sur la couleur et on ne va capter que ce qui est produit par cette longueur d'onde, par cet élément, par l'hydrogène. Donc, dans les nébuleuses, par exemple, il y a beaucoup de H-alpha, de couleurs provoquées par l'hydrogène. Et donc, on utilise ce filtre, bah, en général, quand on photographie des nébuleuses qui contiennent de l'hydrogène, ça fait ressortir beaucoup mieux les détails de la nébuleuse. D'accord. Et donc, en fait, quand vous produisez des photos d'astronomes amateurs, est-ce que vous tendez à ce que votre reconstitution finale, est-ce que vous tendez à ce que ça reproduise ce qu'on verrait dans le visible, ou est-ce que c'est pas... Alors, c'est l'idée, quand on fait des photos avec les filtres RVB, l'idée, c'est de essayer de fabriquer ce que verrait l'œil, mais l'œil, par définition, il peut pas les voir parce que les images sont trop faibles, les luminosités sont trop faibles, c'est ce qu'expliquait Alexa, que dans ces cas-là, on voit en gris la nuit. Donc, parler de vraies couleurs, de fausses couleurs, oui, ce seraient les vraies couleurs si l'œil était suffisamment sensible pour voir les couleurs la nuit. Alors, il faut savoir que les longueurs d'onde auxquelles l'œil est sensible, c'est une très petite partie du spectre électromagnétique. Hein. On voit du violet au rouge. Il y a d'autres longueurs d'onde, tout le monde a entendu parler des infrarouges. L'œil humain n'est pas visible aux infrarouges. Donc, quand on veut représenter sur un écran ou sur une photo un objet céleste qui émet dans l'infrarouge, comment est-ce qu'on fait? On est obligé de changer la couleur, de la mettre en une couleur qui est visible par notre œil sur l'écran. Donc dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle les fausses couleurs, effectivement, parce que sinon, on ne pourrait jamais voir une image infrarouge. D'accord. Et du coup, j'ai mis des photos du satellite Hubble aussi, je mettrai dans la chatroom, parce que du coup, Hubble a plein de filtres en dehors des images réel, en dehors des couleurs visibles, et du coup effectivement il est obligé de mettre des couleurs sur des longueurs d'onde qui n'existent pas. Et je vous conseille d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller plus loin, le site internet du Hubble Heritage Project, qui est en fait un groupe d'astronomes et de spécialistes du traitement d'images du Space Telescope Science Institute à Baltimore, et qui du coup faisait ce travail en fait de composition entre des images de science qui sortaient de Hubble et aussi de d'autres considérations un peu plus esthétiques. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans une photo? Est-ce qu'on veut faire sortir plus l'hydrogène, comme c'est Stéphane et autres, voilà. Et c'est un peu ce qui m'a donné l'idée de faire cet épisode. Ouais, donc taper Hubble Heritage Project sur internet, et d'ailleurs en fait certaines des photos qui sortent, ils indiquent en fait quel filtre ils ont mis. Donc ça va de par exemple, voilà, les piliers de la galaxie, ça correspond à leur filtre couleur bleue est à 502 nanomètres, leur couleur verte est à 657 et leur couleur rouge est à 673. Donc ça, c'est assez ça serait tous les trois dans le visible, mais il y en a d'autres où leur couleur bleue est finalement un truc qui est dans l'UV qu'on ne verrait pas. Donc voilà, je vous conseille d'aller regarder ce site là. Enfin, je crois qu'on a peut parler de tout. Ouais, du coup, est-ce que pour vous deux, d'ailleurs, c'est une question un peu ouverte. Est-ce que quand vous prenez des images, est-ce que pour vous c'est quelque chose d'important qu'il y ait un effet de réel, que ça ait l'air réel, ou finalement c'est pas quelque chose qui est particulier, enfin, que les couleurs soient aussi proches possible de ce qu'on verrait, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui est vraiment important pour vous? Je peux commencer par Stéphane. Pour moi aussi, pour les photos du ciel que je fais, j'essaie qu'elles représentent le plus ce que je pense être ouais. les couleurs réelles, c'est toujours ça, c'est pas évident de savoir. Donc en astronomie amateur, on a tout le monde a ses petites recettes de traitement, on a l'habitude de voir des images, donc on pense que ça ressemble à ça. Pour faire vraiment des calibrations photométriques, colorimétriques, c'est un travail assez dur à faire, mais je pense que la plupart des images qu'on voit, on n'est pas trop loin de la réalité. D'accord. Et pour toi, Thomas? C'est une bonne question, parce que on a très très souvent sur les forums, sur Internet, quelles sont les vraies couleurs de Mars, en fait? Que verrait-on sur Mars? Est-ce que les couleurs des photos prises par la NASA sont les couleurs réelles? D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est une anecdote. Lorsque la sonde Viking Lander 1 s'est posée sur Mars, donc dans les années 70, donc la première sonde américaine à se poser sur Mars, et lorsqu'elle a fait la première photo en fait du paysage, le ciel était ocre et la NASA a corrigé les couleurs pour que le ciel soit bleu, parce qu'ils pensaient que le ciel devait être bleu. Et en fait, quand ils ont regardé vraiment en détail la réponse du capteur, ils font « Ah non, non, on s'est planté, en fait, on n'avait pas à corriger, c'était bien ocre, c'était bien, voilà, couleur est bien ocre, comme lorsqu'il y a des tempêtes de sable chez nous. » Et ensuite, alors quand on compare les photos prises par les que nous traitons dans la communauté des passionnés de traitement d'images, on voit qu'il y a des nuances d'un amateur à l'autre. Certains ont tiré plus vers le marron, d'autres vers l'ocre, rosé un peu, enfin orange un peu. Voilà, ça dépend, je pense, de chacun de sa sensibilité. Alors moi, je sais que la technique que j'utilise j'essaie de me rapprocher plus de ce qu'on verrait, même si j'aimerais bien si des mécènes voulaient m'envoyer sur Mars pour que je puisse témoigner de ce qu'on verrait vraiment, je suis prêt à y aller. Mais tu peux candidater là. Je peux candidater. D'ici là, en fait, ce que je fais, c'est je vais regarder les produits calibrés, donc les photos, une fois qu'elles sont calibrées par les équipes de la NASA qui ont conçu les caméras. Je regarde leurs produits calibrés, je compare avec la photo telle qu'elle était initialement, donc brute, et à partir de là, je regarde comment modifier les niveaux de couleur pour obtenir la réponse, en fait, de l'image calibrée, c'est-à-dire... quelle était la différence entre l'image de départ et l'image d'arrivée. Et ainsi, je peux travailler avec les images brutes qu'on obtient au jour le jour pour les retranscrire, pour les corriger finalement à ma sauce, et essayer de me rapprocher de ce que seraient les images une fois calibrées. Parce que les images calibrées de la NASA, on les a au bout de 6 mois, à peu près. C'est le temps que les scientifiques travaillent dessus. C'est des images qui sont de meilleure, enfin pas forcément meilleure définition, mais meilleure qualité. Les photos, quand je parle de photos brutes, en fait, je pourrais mettre le lien sur la chatroom. Ces photos, en fait, elles sont en JPEG. Généralement, elles sont compressées. Les scientifiques qui sont pas dans le cadre de la mission n'ont pas accès à autant de détails que ceux qui sont dans le cadre de la mission. C'est quand même pour laisser l'exclusivité des découvertes aux personnes qui font partie des équipes scientifiques. Là moi j'essaie quand même de me rapprocher de ce qu'on verrait, de pas pousser les contrastes ou la saturation trop haut, la saturation je joue pas dessus, les contrastes si je joue dessus je le précise, si c'est par exemple pour faire ressortir des tempêtes, ce qu'on appelle les dust devils, les tornades de poussière qui parcourent parfois les plaines martiennes, c'est des petites tornades, elles sont assez difficiles à voir, pour qu'on les voit souvent on augmente le contraste, donc ça voilà c'est important de le préciser. Je crois que pour moi, du moment qu'on précise ce qu'on fait, c'est important. Et puis, le fait de dire fausse couleur, est-ce que le terme fausse est adapté? Peut-être, couleur modifiée. Vraie couleur, c'est pareil. Vrai, je suis pas sûr que ce soit le bon terme. Tout ça, c'est important d'être transparent, je pense pas. En tout cas, par rapport au traitement qu'on fait. Et quand je rajoute un ciel, j'essaie de le préciser, quoi, que c'est un ciel qui est étendu. Là aussi, il y a l'aspect esthétique. Quand je vais sur les photos que j'ai pu poster, notamment là, j'ai mis une photo de Mars que j'ai traitée cet après-midi, d'un paysage qui a été obtenu il y a 3 jours sur Mars. Le ciel, en fait, a été, je l'ai étendu en faisant un gradient vertical pour donner un peu l'impression de ce qu'on aurait sur Mars avec un horizon plus clair et puis un zénith qui serait un peu plus foncé. D'autres photos que j'ai pu mettre dans la chatroom, c'est des photos. Alors il y en a une, c'est Curiosity au sol 3075. En fait, c'est une photo prise en fin d'après-midi où là, c'est un composite de 2 photos. C'est une photo prise en journée, mélangée, je dirais, enfin composée avec une photo prise en soirée. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est un spécialiste aussi de traitement d'image, Don Davis, qui est vraiment un expert. Pour moi, c'est un dieu en traitement d'image. Très très doué, et en fait il a essayé de restituer ce qu'on verrait sur Mars en fin d'après-midi avec de magnifiques cirrus dans le ciel martien et le paysage tel qu'il était photographié l'après-midi mais en baissant la luminosité. Voilà. Donc ça c'est l'esthétique là, mais ça donne une idée quoi, comme on peut pas y aller, on essaie de reconstituer des scènes telles qu'on pourrait peut-être les voir, juste pour se transporter pour travailler l'imaginaire aussi, je pense. Mais après, oui, je pense qu'il y a quand même une marge aussi de changement un peu, parce que finalement, si on regarde la même scène prise dans les années 70 ou aujourd'hui, Donc bien sûr, il y a la qualité des optiques qui a changé, il y a la résolution, même sur les couleurs de, vous prenez les photos de vous quand vous étiez petit et les photos maintenant, les couleurs sont pas les mêmes. Or c'est deux photos qu'on pensait à l'époque réaliste et qu'on pense toujours réaliste. Donc je pense qu'il y a aussi une évolution. C'est vrai. Ouais, une évolution de ce qu'on considère comme réaliste peut-être aussi. Ça me fait ça aussi beaucoup, quand le cas aussi, ouais. Peut-être qu'avant, on aimait plus les couleurs chatoyantes et pétantes et on augmentait peut-être la saturation. Enfin, je sais pas, il y a peut-être des... Je sais que sur les photos de Saturne, par exemple, on voit des photos de Saturne prises par Voyager 1 et 2. Enfin, ou l'un des deux, je sais plus lequel. Mais en tout cas, c'était... C'est pas du tout en couleur réelle. On voyait des bandes violettes, vertes, etc. C'était en fausse couleur, justement, pour faire ressortir les contrastes sur la planète, les différentes bandes nuageuses. Et donc, il y a des amateurs qui avaient repris ces images-là pour les remettre en couleur telles qu'on les aurait vues si on avait survolé Saturne à bord de la sonde. Donc, voilà, à l'époque, les photos qui étaient diffusées n'étaient pas forcément en vraie couleur. Ouais. Eh ben, merci beaucoup pour cette émission. J'ai trouvé ça intéressant. Je sais pas si vous avez d'autres questions auxquelles vous aurez aimé répondre et que je n'ai pas posées. Sinon, voilà, du coup, je vous ai demandé de rapporter une citation. On finit souvent les émissions par une citation. Je sais pas si vous y avez pensé. Oui, enfin, pour moi, je donne de temps en temps des conférences sur l'astrophotographie. Et il y a une question qu'on pose souvent, c'est qu'est-ce qu'une belle photo? Donc, en fait, ma citation, ça va être la réponse que je donne à cette question. C'est, en fait, une belle photo, c'est une photo que l'on aime. Donc c'est assez subjectif. Hein. Une belle photo, c'est une photo que l'on aime. Voilà. Thomas, je propose que tu lises ta citation. Ouais, que je donne ma citation. C'est une citation de Carl Sagan, qui est très connue, je pense, dans le milieu de ceux qui travaillent dans l'astronomie. Somewhere, something incredible is waiting to be known, qui veut dire quelque part, quelque chose d'incroyable attend d'être découvert. En fait, pour moi, ça symbolise l'exploration spatiale, que ce soit à petite échelle, donc à l'échelle des planètes. Hein. Pour moi, la petite échelle, c'est ça, l'échelle du système solaire, ou à grande échelle. Et donc, quand je traite les photos, alors j'attends pas quelque chose d'incroyable, parce que sur Mars, les zones ont déjà été photographiées depuis l'orbite. Donc, on sait qu'on va pas découvrir derrière la colline, je sais pas moi, des artefacts extraterrestres ou autres. Pas dans ce style-là, mais c'est plus pour dire que dans la science, il faut s'attendre à ce qu'on puisse trouver des choses qui ne sont pas prévues. Et je pense notamment là-dessus au survol de Pluton par la sonde New Horizons, où les scientifiques, il y avait un concours en fait qui avait été fait par Alan Stern, le responsable de cette mission, qui avait demandé à chacun de dessiner à quoi ressemblerait la surface d'après eux. Donc les scientifiques dont fait partie mon directeur de thèse avait chacun essayé de représenter, voilà, alors on pense qu'il y aura plutôt des glaces de telle ou telle couleur parce qu'il y a tel ou tel cycle saisonnier. Et en fait, la surface, ils pensaient tous que ce serait une surface très cratérisée parce que Pluton est dans une zone où il y a beaucoup de corps qui peuvent impacter sa surface, une surface probablement très ancienne, voilà, avec, comme Pluton est plutôt petite, comme c'est une planète naine, pas d'activité géologique, hein. Et donc du coup, voilà, ils s'attendaient à ça. Et quand la sonde a survolé Pluton, alors là, c'était une énorme surprise puisqu'on a découvert qu'il y avait très très peu de cratères, des glaciers actifs il y a pas si longtemps, peut-être des cryovolcans, des volcans qui crachent de la glace, voilà. Et donc une énorme surprise. Et là, pour moi, cette citation traduit totalement ça, quoi. On a souvent des idées préconçues, puis en fait, quand on arrive, c'est pas le cas. Et c'est en ça que la science est fantastique, quoi. Ouais, je dirais même la science en général. Enfin, moi, j'ai vraiment cette vision de la science aussi, qui est l'exploration, en fait, que tu fasses de la... Quelle que soit la science, et c'est encore plus vrai par le spatial, parce que t'as tous ces mondes encore inconnus sur Terre, on en a finalement plus tant que ça, mais... C'est... Ouais, toutes les sciences, ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Oui, je suis d'accord avec vous. Toutes les sciences, mais surtout l'astro, ouais. Est-ce que, Fiora, tu veux bien nous rappeler le quiz du mois? Oui, donc depuis la semaine dernière, donc on a un nouveau quiz du moment qui est « Il faut orienter son lit au nord pour bien dormir, info ou un texte, à nous répondre à podcastscience@gmail.com ou sur les réseaux sociaux, avec vos expériences, à savoir. Et on y répond... Le 12 mai. Au mois de mai. Le 12 mai, ça ? Oui, c'est ça. Ok. Donc à la prochaine roue libre, le 12 mai, on répondra à la question. Voilà, n'hésitez pas à faire tourner votre lit pour pouvoir tester votre état de sommeil. Eh ben, on va conclure alors. Je crois qu'on n'a pas d'annonce spéciale à faire. Merci énormément Thomas et Stéphane donc pour ces détails sur la prise de vue, l'acquisition, le traitement de ces belles images d'autres mondes hein, qu'on visitera peut-être un jour et pour continuer d'exploration comme on le disait dans la citation. En attendant, vous nous avez permis de mieux comprendre comment elles sont obtenues, traitées et qu'elles peuvent être partagées au plus grand nombre et aussi de mieux comprendre ce qu'on voit de ces autres mondes. Merci de nous faire rêver avec ces belles images et en attendant la semaine prochaine, que servir la science soit votre joie.